Comment exiger de nous, pays africains, au sud du Sahara, en 30 ans, ou disons en un an et demi, ou en deux ans, de digérer le problème du multipartisme, de le rendre adéquat aux structures ancestrales de chacun de nos pays? Alors la coopération nord-sud que nous demandons, nous la demandons pour que les mutations se fassent sans heurts, pour que les organisations politiques et syndicales de chaque pays africain puissent vraiment connaître les règles du jeu, apprendre ces règles du jeu. Peut-on dire, Elikam Mbokolo, que ces témoignages sont représentatifs des réactions de la classe politique africaine au lendemain du discours de la Baule? Oui, Philippe Saint-Denis, nous avons là tout le panorama de ce que pensent les responsables politiques africains. Certains d'entre eux se montrent passionnés par les propos de François Mitterrand, d'autres sont très réservés et d'autres encore attendent de voir comment les choses vont évoluer. On peut dire que ce discours de la Baule est un véritable tournant dans l'histoire politique de l'Afrique. Jusqu'à la Baule, le processus démocratique avait été l'affaire de quelques pays. À partir de la Baule, ce processus devient l'affaire de tout le continent africain. Mais c'est sans doute dans un contexte plus large qu'il faut analyser le climat politique en Afrique francophone en cette année 1990. Et le vent d'Est d'abord, qui souffle fort, chute du mur de Berlin en novembre 1989, un mois plus tard, arrestation et exécution en Roumanie du dictateur Ceausescu et de son épouse, élection en décembre 1990 à la présidence de la République polonaise, de Lech Walesa, l'électricien de Gdansk. Et au même moment, sur le continent, libération après 28 ans de détention de Nelson Mandela, le leader historique de l'African National Congress, l'ANC, Nelson Mandela, que nous écoutons s'exprimer le 11 février 1990.